Chapitre 26e. Tous les ans, le 15 octobre, la 5e avenue rouvrait ses persiennes, déroulait ses tapis et raccrochait ses triples rideaux. Vers le 1er novembre, ses préparatifs étaient terminés et la vie mondaine recommençait. Vers le 15, la saison battait son plein. L'opéra et les théâtres affichaient leurs nouveaux programmes. Les invitations pleuvaient. On fixait les dates des bals. Et invariablement, à cette époque, Mrs. Archer disait que New York était bien changé. Mrs. Archer vivait retirée du monde et l'observait du haut de sa solitude. Secondée par Mr. Jackson et Miss Sophie, elle notait chaque craquement nouveau à la surface de la société, chaque plante intruse qui cherchait à pousser entre les carrés réguliers des gros légumes mondains. Toute sa jeunesse durant, Archer s'était amusé à cet oracle annuel, et d'entendre énumérer de menus signes de désagrégation qui avait échappé à son insouciance de jeune homme. Selon Mrs. Archer, New York ne changeait que pour empirer, et Miss Sophie Jackson, là-dessus, renchérissait. Mr. Sillerton Jackson, en homme du monde, prêtait l'oreille aux lamentations des dames et suspendait son jugement. Cependant, il ne pouvait nier que la société changea. Même Newland Archer, le second hiver après son mariage, fut obligé d'avouer que si le changement n'était pas encore accompli, certainement il était en cours. Ce sujet fut abordé comme d'habitude au dîner du Thanksgiving Day que donnait Mrs. Archer. À la date où elle était officiellement invitée à rendre grâce pour les bénédictions de l'année, elle avait coutume de faire, avec tristesse, quoique sans amertume, le bilan de son petit univers, et de se demander quel objet donner à sa gratitude. Ce n'était certes pas l'état de la société. La société, si toutefois elle existait encore, offrait plutôt un spectacle digne des malédictions bibliques, et du reste, chacun savait quelles étaient les intentions du révérend Dr. Ashmore quand il avait choisi comme texte un passage de Jérémie pour son sermon d'action de grâce. « Il n'y a pas de doute, le Dr. Ashmore a raison, » disait-elle en secouant la tête. « C'est égal. C'est un singulier texte pour un jour d'action de grâce, » observa Miss Jackson. Et son hôtesse reprit sèchement. « Il nous engage à remercier le ciel pour le peu qui nous reste. »« La folie de la toilette d'abord, » commença Miss Jackson. « Sillerton m'a mené à la première de l'opéra, et je vous affirme que Jane Murray était la seule qui portait une robe de l'année dernière, une robe venue de chez Worth il y a 2 ans. Je le sais, parce que c'est ma couturière qui rectifie à l'arrivée ses robes de Paris. »« Ah, Jane Murray est des nôtres, » dit Mrs. Archer en soupirant. « Oui, » reprit Miss Jackson. « Elle est du petit nombre de celles qui gardent les traditions. Dans ma jeunesse, il était de mauvais goût de porter les dernières modes. « Ah, Miss Sillerton m'a toujours dit qu'à Boston, il fallait mettre en réserve pendant 2 ans les robes de Paris. » La vieille Mrs. Baxter Penelow, qui faisait très bien les choses, faisait venir 12 robes par an, 2 de satin, 2 de soie et 6 autres de popeline ou de cachemire fin. C'était une commande à date fixe, et comme elle a été alitée pendant 2 ans avant sa mort, ses filles ont trouvé 48 robes de Worth qui étaient restées toujours dans leur papier de soie. Boston est plus conservateur que New York. « Mais je trouve plus comme il faut de ne porter ces robes françaises qu'après une saison, » dit Mrs. Archer. C'est Beaufort qui a lancé le nouveau genre, en faisant arborer à sa femme ses toilettes parisiennes dès leur arrivée. Quelquefois, il faut toute la distinction de Regina pour ne pas ressembler à... Miss Jackson jeta un regard autour de la table, surprit les yeux ronds de Janey, et finit sa phrase dans un murmure inintelligible. « À ses rivales, » dit Mr. Sillerton Jackson, comme pour lancer une épigramme. « Oh !» firent les dames, et Mrs. Archer ajouta. « La pauvre Regina, son jour de Thanksgiving, n'a pas été bien gaie. Avez-vous entendu parler, Sillerton, des bruits qui courent sur les spéculations de Beaufort ?» Mr. Jackson fit un oui nonchalant. Tout le monde était au courant. Il dédaignait de confirmer une histoire passée déjà dans le domaine public. Il se fit un lourd silence. Personne n'aimait véritablement Beaufort, et on n'eût pas été fâché d'apprendre les pires choses sur sa vie privée. Cependant, qu'il pût entacher d'un déshonneur financier la famille de sa femme, c'était là un scandale dont ses ennemis eux-mêmes ne pouvaient se réjouir. Le vieux New York d'Archer tolérait l'hypocrisie dans les relations privées, mais en affaires il exigeait une honnêteté complète et inattaquable. Il n'était personne qui ne se rappela comment, après la dernière faillite de Wall Street, les chefs de la maison qui croulaient avaient été frappés d'anéantissement social. Il en serait de même pour les Beaufort, en dépit du pouvoir du banquier et de la vogue mondaine de sa femme. Toute la force liguée de ses parents ne pourrait sauver la pauvre Regina, si les bruits qu'on faisait courir sur les spéculations illicites de son mari se confirmaient. La conversation aborda des sujets moins sombres, mais qui semblaient tous renforcer chez Mrs. Archer le sentiment que la société était en train de s'effondrer. « Je sais, Newland, que tu autorises la chère May à aller au dimanche de Mrs. Struthers. » commença-t-elle. Mais il l'interrompit en riant. « Oh, vous savez, tout le monde va maintenant chez Mrs. Struthers. Elle a été invitée à la dernière réception de grand-mère. »« je sais, ma chérie, » soupira Mrs. Archer. « Mais que voulez-vous, quand on ne va dans le monde que pour s'amuser ?»« J'en veux encore un peu à votre cousine, Madame Olenska, d'avoir été la première à patronner Mrs. Struthers. » Une rougeur subite colora le visage de la jeune Mrs. Archer. « Oh, Ellen !» murmura-t-elle, du même ton de désapprobation dont ses parents auraient dit « Oh, les Blanker !» C'était la note adoptée par la famille quand il s'agissait de Madame Olenska, depuis que celle-ci, contre l'avis de ses parents, s'était dérobée aux avances de son mari. Pourtant, chez May, cette attitude surprenait. Archer la regardait, gênée, et la sentant étrangère à lui, comme cela lui arrivait chaque fois qu'elle subissait l'ambiance familiale. Elle ajouta « Je ne crois pas qu'Hélène se soucie beaucoup de l'opinion du monde. » Chacun savait que la comtesse Olenska n'était plus dans les bonnes grâces de sa famille. La vieille Mrs. Manson-Mingott elle-même, son champion, avait dû renoncer à la défendre quand elle avait refusé de rejoindre son mari. Les Mingott n'avaient pas formulé tout haut leur opinion. La solidarité chez eux était trop forte. Comme le disait Mrs. Welland, ils s'étaient contentés de laisser la pauvre Hélène chercher un milieu à son niveau, et elle l'avait trouvé dans les obscures régions où régnaient les Blenker et où les gens de lettres célébraient leurs rites sans prestige. C'était incroyable, mais c'était un fait. Ellen, tournant le dos à son destin de privilégiée, se déclassait. La conclusion n'en était que plus évidente. Elle avait commis une lourde faute en ne retournant pas chez Olenski. Après tout, la place d'une jeune femme était sous le toit de son mari, surtout quand elle l'avait quitté dans des circonstances que... si on voulait y regarder de près... Madame Olenska est très appréciée par les messieurs, observa Miss Sophie avec un faux air de conciliation. Ah, c'est là le danger pour une jeune femme comme Madame Olenska, opina tristement Mrs. Archer. Et là-dessus, les dames ramassèrent leurs traînes pour se rendre dans le salon pendant que les hommes gagnaient la bibliothèque gothique. Installée devant le feu, consolée de l'insuffisance du dîner par la perfection de son cigare, Mr. Jackson devint communicatif et important. « Si le krach Beaufort se produit, il y aura des révélations, » annonça-t-il. Archer leva vivement la tête. Ce nom suscitait toujours en lui une vision précise, la lourde personne de Beaufort dans son opulente pelisse, s'avançant sur la neige à Skewtercliff. « C'est inévitable, » continua Mr. Jackson. « Ce sera la plus vilaine des lessives, car ce n'est pas pour Regina qu'il a dépensé son argent. »« Espérons qu'il s'en tirera, » dit Archer, désireux de changer de sujet. Une pensée l'obsédait. Pourquoi May avait-elle rougi au nom d'Ellen? 4 mois s'étaient écoulés depuis la journée d'été qu'il avait passée avec Madame Olenska. Depuis, il ne l'avait pas revue. Sachant qu'elle était retournée à Washington dans la petite maison qu'elle habitait avec Médor à Manson, il lui avait écrit une fois pour lui demander quand il pourrait la revoir. Elle avait répondu « Pas encore ». Depuis, plus rien. Mais il lui avait érigé dans son cœur un sanctuaire qui bientôt était devenu le seul théâtre de sa vie réelle. Là aboutissaient toutes ses idées, tous ses sentiments. Hors de là, sa vie ordinaire lui semblait de plus en plus irréelle. Il se heurtait contre les préjugés et les points de vue traditionnels comme un homme absorbé se heurte contre le mobilier de sa chambre. Il était absent. Il s'étonnait parfois que les personnes qui l'entouraient puissent imaginer qu'il fût encore là. Mr. Jackson reprit « Je ne sais pas jusqu'à quel point la famille de votre femme se rend compte combien ce refus de Madame Olenska est regrettable. »« Et pourquoi regrettable ?» Le regard de Mr. Jackson coula le long de sa jambe jusqu'à la chaussette lisse bordée de l'escarpin verni. « Eh bien, sans chercher plus loin. De quoi vivra-t-elle maintenant? Maintenant? Oui, si Beaufort est ruiné. Archer se leva d'un bond, frappant du poing le bureau de Noyer. Les couvercles du double encrier de cuivre sursautèrent. Que voulez-vous dire par là? Mr. Jackson, se redressant un peu, regarda avec sang-froid la figure bouleversée du jeune homme. « Mon Dieu, je tiens de bonne source, en fait de la vieille Catherine elle-même, que la famille a considérablement réduit la rente de la comtesse Olenska depuis qu'elle a refusé de retourner chez son mari. Par ce refus, la comtesse a aussi renoncé aux sommes qui lui avaient été reconnues par contrat. » Archer, appuyé contre la cheminée, secoua sur le foyer les cendres de son cigare. « Je ne sais rien des affaires de Madame Olenska, mais je n'ai pas besoin de les connaître pour être certain que ce que vous insinuez... Oh, ce n'est pas moi, c'est Lefferts, interrompit Mr. Jackson. Lefferts, qui lui a fait la cour et qui a été remis à sa place, dit Archer avec mépris. Ah, il lui a fait la cour, rétorqua l'autre comme si c'était là ce qu'il avait cherché à savoir. Archer s'était laissé prendre au piège. Allons, allons, reprit Mr. Jackson. C'est fâcheux qu'elle ne soit pas partie avant la faillite Beaufort. Si elle part maintenant et que celui-ci croule, l'impression qui, entre nous, n'est pas particulière à Lefferts sera confirmée. Elle ne partira certainement pas, à présent moins que jamais. Archer n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles qu'il se rendit compte qu'il était nouveau tombé dans un piège. Le vieillard le fixa du regard. « C'est votre avis ? Vous avez vos raisons, sans doute, mais tout le monde vous dira que les quelques sous qui appartiennent à Médor à Manson sont entre les mains de Beaufort. Et comment les deux femmes pourront-elles surnager s'il vient à sombrer? Madame Olenska peut encore amadouer la vieille Catherine, qui avait pourtant violemment pris parti pour le retour chez le mari. La vieille Catherine pourrait lui faire une belle rente, mais nous savons tous qu'elle n'aime pas se séparer de son argent. Et le reste de la famille a tout intérêt à ne pas voir rester ici Madame Olenska. Archer brûlait d'une colère impuissante. Tout l'avertissait d'être prudent, mais les insinuations à propos de Beaufort l'exaspéraient. Pourtant, Mr. Jackson, sous le toit de sa mère, était son hôte. Le vieux New York observait scrupuleusement l'étiquette de l'hospitalité. Un désaccord avec un invité ne devait pas dégénérer en dispute. « Allons-nous rejoindre ma mère ?» proposa Archer sèchement, quand Mr. Jackson eut laissé tomber dans le cendrier de cuivre son dernier cône de cendre. Pendant leur tour, May garda un silence singulier. Archer se souvint de sa brusque rougeur à dîner et sentit une menace. Laquelle? Il ne le devinait pas, mais il lui suffisait de se souvenir que c'était le nom de Madame Olenska qui avait si visiblement troublé sa femme. Ils montèrent l'escalier. Archer se dirigea vers la bibliothèque où May le suivait ordinairement, mais il l'entendit prendre le couloir qui conduisait à sa chambre. « May, appela-t-il brusquement. Elle revint sur ses pas. Cette lampe file encore. Les domestiques pourraient faire attention à la mèche ? Grommela-t-il, nerveux. Je regrette, cela n'arrivera plus, dit-elle de ce ton ferme et dégagé qu'elle avait appris de sa mère. Elle se pencha pour baisser la mèche. La façon qu'elle avait déjà de se plier à son humeur, comme s'il était un Mr. Welland plus jeune, énervait Archer. May, dit-il tout à coup, je peux être obligé d'aller à Washington pour quelques jours. Bientôt, la semaine prochaine peut-être. » La main de la jeune femme resta appuyée sur la clé de la lampe pendant qu'il parlait. La chaleur de la flamme avait donné de l'éclat à son visage, mais elle pâlit en regardant son mari. « Pour affaire ? » demanda-t-elle d'un ton qui impliquait qu'il ne pouvait y avoir d'autre raison, et qu'elle avait posé la question automatiquement pour achever la phrase. « Naturellement. » Il y a une question de brevet qui vient devant la Cour suprême. » Il donna le nom de l'inventeur et continua, fournissant des détails avec un luxe de fausse précision. « Le changement vous fera du bien, » dit-elle simplement quand il eut fini, et elle ajouta, du ton qu'elle aurait pris pour lui rappeler quelques devoirs ennuyeux, en le regardant dans les yeux avec un sourire franc et candide. « Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir Ellen. » Ce fut le seul mot prononcé entre eux sur ce sujet, mais dans leur code cela signifiait « Vous comprenez bien entendu que je sais tout ce qui a été dit sur Allen et que je suis de tout cœur avec ma famille dans l'effort tenté pour l'engager à retourner chez son mari. Je sais aussi que pour des raisons que vous n'avez pas cru devoir me dire, vous l'avez dissuadée de suivre ce conseil unanime. Je sais que c'est avec votre appui qu'Hélène nous brave tous et s'expose aux critiques auxquelles Mr. Jackson a probablement fait allusion ce soir. C'est du reste ce qui vous a rendu si nerveux. Puisque rien jusqu'ici n'a pu vous faire changer d'attitude, j'interviens à mon tour, sous la seule forme admise entre gens bien élevés quand ils ont quelque chose de pénible à se communiquer. Comprenez bien que je sais votre intention bien arrêtée de voir Hélène quand vous serez à Washington, et que vous n'y allez peut-être que pour cela. Et puisque vous la verrez sûrement, je veux que ce soit avec mon entière et absolue approbation. » Sa main était encore sur la clé de la lampe quand le dernier mot de ce message muet parvint à Archer. Elle baissa la mèche, leva le globe et souffla sur la flamme. « Elles sentent moins quand on les éteint en soufflant, » expliqua-t-elle, avec son ton assuré de maîtresse de maison. Sur le pas de la porte, elle se retourna et attendit le baiser de son mari.